Chapitre 11. Bonne prise. Pataloco chargea donc sa corbeille sur l'épaule et sortit en trinque-ballant, en pataugeant parmi les flaques. Les poules, les canards sortaient aussi de leur gîte à mesure que reparaissait le soleil. Pataloco traversa la cour, puis le verger. Il allait ouvrir la porte à claire-voie qui barre le chemin du domaine lorsque Bacquenois surgit d'un bosquet de roseaux, horrible avec sa barbe en désordre et son chapeau ballonné par la pluie. « Ouais !» cria Pataloco, stupéfait et titubant sous la corbeille. « Crois-tu m'attraper ?»« Je l'espère. Il me faut le corps du délit. »« Laisse-moi avec ton corps. Veux-tu que je t'offre un joli barbeau ?» La clôture les séparait. Bacquenois se gardait bien de la franchir. Tenace autant qu'un piquet, il serait resté là 100 ans. Alors, Pataloco déposa la corbeille à ses pieds et se mit à réfléchir. « Puisque je ne peux m'évader, dit-il, attends-moi une minute, je reviens. » Il s'esquiva dans la cuisine où Santou, toujours planté devant le feu, sursauta de frayeur au bruit de l'intrus. « N'aie pas peur, c'est encore moi. » « Tais, je donne ma pêche à Jérôme. Je veux qu'il soit content. Combien ça vaut ?» Pataloco, sans répondre, versait sa corbeille sur la table. Puis, l'ayant bourrée de paille et recouverte d'une toile, il repartit. Bacquenois montait sa faction à la porte de clôture, tout en contemplant la campagne qui se dépouillait de ses ombres, comme une femme au bal se dépouille de son fichu et montre, à la clarté des lustres, sa fraîche peau rose, ses épaules nues, ornées des chaînes d'or qu'ont portées les aïeules à l'époque de leurs fiançailles. « Allons, maugréa-t-il, marche, Pataloco !» Il fit claquer sur le sol sa canne, aussi lourde que la hallebarde du Suisse à la paroisse, et Pataloco le suivit docilement, sa corbeille légère sur l'épaule. Le front sous le béret, celui-ci affecta d'abord beaucoup de contrition. Ensuite, il essaya de bavarder. « Devant la loi, j'ai tort, je le confesse. Mais toi, crois-tu que ça va t'enrichir d'appliquer la loi ? J'accomplis mon devoir. Tout ça, on ne peut apprécier l'utilité des gardes champêtres que si, pendant quelque temps, on vous supprimait. On verrait si la campagne ne peut pas vivre sans vous. Quel bavard, mon ami ! Tu ferais un bon député, tu bavardes pour ne rien dire. » Et un député ? Pourquoi non ? Il y en a bien d'autres. Au moins, j'ai un métier, moi. Tais, aux prochaines élections, je me ferai nommer conseiller municipal. Alors, nous verrons si tu oseras me persécuter. La loi ne favorise personne. Allons, tu n'as pas honte de me tenir ces raisonnements ? Pourquoi honte ? Nous allons traverser Pézenas. Eh bien, on se moquera de toi, voilà tout. « Voyons, on te connaît trop, ha ha ! Assez, marche, plus de discours, nous voici à la ville !» Ils atteignaient le faubourg, la côte qui gravit le grand pont de Peine. La route descend aussitôt sur le planol, une vaste place inondée de soleil où des bourgeois se promenaient gravement parmi des enfants qui jouaient au tambourin et des chiens qui dormaient autour des platanes. Les bourgeois allaient par bandes, sans rien dire, sans penser, heureux de vivre dans l'insouciance du dimanche, de respirer le parfum des vignes prochaines, de voir la lumière du sol se poser partout, sur les arbres, sur les toits, sur le clocher, dont le coq de fer rouge, comme une fleur de sang, resplendit dans l'espace. Subitement, à la vue du garde et de Pataloco, ils éclatèrent de rire tous ensemble, les bras ballants. « Ouais, et où tu vas, Pataloco ?»« Je n'en sais rien, demandez à Bacquenois. Je porte mon poisson sur le dos, vous n'en mangerez pas aujourd'hui. »« Ce n'est pas possible !» Bacquenois releva le front. Essuyant à sa barbe ses mains moites de chaleur, il regarda fixement ces hommes qui s'avançaient avec des airs de provocation et d'ironie. Il ouvrit ses gros bras, fit tournoyer sa longue canne. « Le premier qui manifeste, je verbalise. En avant, Pataloco !» Sous la porte Saint-Jean, le garde défaillit une seconde. Il serra la carabine contre son cœur et dit « Diable, si j'avais su, nous aurions pris par les ruelles du château. Nous voilà obligés de passer devant Campal, Boispeau et Guitou. » Peu, que m'importe, tu vois que je n'ai pas honte. Tais, voici justement mon ami, Luc Guitounet. C'est mon ami aussi, seulement il faut obéir. Marche. Luc, qui allait chercher de l'eau à la fontaine du Planol, fut abasourdi. « Je ne comprends pas, matelot, s'écria-t-il. Qu'est-ce qui est arrivé ? Demande-le à Bacquenois. Et ton oncle Jérôme, où est-il ? À la place des 3-6, qu'il se promène. » Agnès, sa cruche à la main, survenait. Elle pâlit un peu d'effroi devant ce garde farouche qui poussait le matelot. Tout alarmée, elle demanda « Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive ?»« Oh, rien ! Demande-le à Bacquenois. » Pataloque, sous prétexte de changer sa corbeille d'épaule, s'arrêtait. Luc s'approcha pour l'encourager, et Agnès de même, qui eut le plaisir de se frotter contre son fardeau, de partager devant le monde ses sentiments de pitié et de tendresse. « Marche ! Grondait le garde. » Pataloco repartit, pendant qu'Agnès et Luc s'en allaient ensemble à la fontaine. Leurs visages, quand ils se retournaient, se touchaient presque. Agnès, ahurie et grimaçante, Luc Guitounet, bonasse et blanc tel qu'un pierrot. Soudain, une grande clameur s'éleva de la placette devant le salon de coiffure. Campal, qui avait achevé de raser ses pratiques, se reposait sur le banc de Fabarotte. Là, en bras de chemise, il taquinait les passants, crachait dans le ruisseau, faisait aboyer les chiens, afin d'agacer un peu ce pauvre garrigue, occupé à malmener ses acheteurs aussi rudement que des ânes qui ne comprennent pas le français. Il guettait l'occasion d'une farce lorsque l'ami Pataloco dévala du Planol en compagnie de l'austère Bacquenois. « Tais ! Cria-t-il, où vous allez tous les deux ?» Bravement, il se leva pour les interrompre au passage, puis avisa la corbeille de poisson sur l'épaule du matelot. Bacquenois l'écartait de son chemin. Alors Campal, un moment déconcerté, saisit Bacquenois lui-même par les pans de la blouse et le secoua. « Quoi ? Dis, qu'est-ce que tu te crois ? Dis, parce que tu es un morceau de garde champêtre, tu veux empêcher les honnêtes gens de s'amuser ? Laisse-nous passer ! Gare, veux-tu que je verbalise ? Allez, je n'ai pas peur, nous sommes dans ma rue. » Justement, on sortait de la messe de 11 heures, la messe des petits bourgeois cossus et tranquilles. Ils s'indignèrent d'une telle bataille en pleine ville et, se plaignant que la police fût toujours si mal organisée, n'osèrent plus avancer. Du peuple, des travailleurs en blouse qui vont rencontrer leurs femmes à la porte de l'église s'arrêtaient également dans la placette. Bientôt, ils sautèrent tous ensemble, dansèrent la farandole autour du garde et de Pataloco. Celui-ci serrait précieusement sa corbeille entre les genoux. La cohue des travailleurs, en farandolant, heurta d'un flot compact le garde qui, tel qu'un roc, bravait l'orage. On l'eût peut-être outragé jusqu'à le dépouiller de sa carabine sans l'intervention d'un sergent de ville. Celui-ci, par extraordinaire, apparaissait au coin de la rue des Commandeurs. Alors les Campals rentrèrent chez eux. Le peuple, sournoisement, glissa le long des murs, se dispersa dans les ruelles voisines. Et le garde, délivré, aperçut, là-haut, plus haut que la maison des Guitoux, Pataloco gagnant de son propre gré le chemin de la mairie. « C'est bon » grommela-t-il. Il rangea sa blouse, son chapeau et partit gravement sous la protection de l'agent de police. Les petits bourgeois ne tremblaient plus. À pas lents et doux, ils s'écoulèrent vers le Planol où, selon la tradition, les notables accomplissent, chaque dimanche, un tour de promenade avant le dîner. Agnès et Luc revenaient fraternellement de la fontaine. Déjà, leur amitié étonnait le quartier. Seulement, on n'osait pas les taquiner. On se réservait avec sagesse, de peur de tracasser Guitou, un homme si raisonnable, et qui, sans doute, ignorait la fredaine de son fils.